Chapitre 2e. Si grande que fut la satisfaction d'Adeline, elle n'était pourtant pas sans mélange. Quand il se disait que son Altesse le Prince II, le Duc II, le Marquis II, était venu perdre quelques milliers de francs chez lui, il éprouvait un sentiment de vanité dont il ne pouvait se défendre. Et quand il se disait aussi que le cercle qu'il présidait servait de trait d'union entre la bourgeoisie républicaine et le monde élégant, c'était un sentiment de juste fierté qui le portait et auquel il pouvait s'abandonner franchement avec la conscience du devoir accompli. Mais quand, d'autre part, il se disait qu'il devait près de 50 000 francs à la caisse de son cercle, qui n'était pas sa caisse, par malheur, c'était un sentiment de honte qui l'anéantissait. Comment avait-il pu se laisser entraîner à jouer? C'était avec bonne foi, avec conviction, qu'il avait rassuré sa femme lorsqu'elle avait manifesté la crainte qu'il ne devint joueur. Moi, joueur. Il se croyait alors d'autant plus sûrement à l'abri qu'il avait joué dans sa jeunesse et que par expérience il connaissait les dangers du jeu. Ce n'est pas quand on a été entraîné une première fois et qu'on a eu la chance de se sauver qu'on se laisse prendre une seconde. À 20 ans, on a une faiblesse et une ignorance, des emportements et des vaillances qu'on n'a plus à 50 après avoir appris la vie. Qu'il eût joué et perdu de grosses sommes en voyageant en Allemagne, il y avait eu alors toutes sortes de raisons et même d'excuses à sa faiblesse. Sa maîtresse était joueuse. Les casinos étaient devant lui avec leurs portes ouvertes et leurs tentations. L'argent qu'il risquait et qu'il n'avait point eu la peine de gagner ne lui coûtait rien, pas même un regret bien profond, s'il le perdait, puisque cette perte était légère pour la fortune de ses parents. Dans ces conditions, il avait pu jouer. Sa faute était simplement celle d'un jeune homme riche, d'un fils de famille qui s'amuse, sans faire grand mal à personne, ni à sa famille, ni à lui-même. Ça avait été une épreuve salutaire. S'il était entré dans la fournaise, il s'y était bronzé, et si complètement que depuis 25 ans il n'avait plus joué. Pourquoi eût-il joué? Il n'avait jamais eu le goût des cartes. S'asseoir pendant des heures devant un tapis vert, sous la lumière d'une lampe, rester immobile, ne pas parler, l'ennuyait. Il était assez riche pour que l'argent gagné au jeu ne lui donnât aucun plaisir, et il ne l'était pas assez pour que celui perdu ne lui fût pas une cause de regret et de remords. Pendant 20 ans, il n'avait cessé de répéter cette maxime aux jeunes gens qu'il voyait jouer. « Que faites-vous là, jeune fou? Voulez-vous bien vous sauver? Amusez-vous tant que vous voudrez, ne jouez pas !» Et voilà que lui, vieux fou, avait fait ce qu'il reprochait aux autres. Comme il était sincère pourtant dans ses remontrances, comme il les trouvait misérables, ceux qui succombaient à la passion du jeu. Encore cela était-il jusqu'à un point excusable, puisqu'ils étaient des passionnés, c'est-à-dire des êtres inconscients et par là des irresponsables. Mais lui, quand pour la première fois il s'était assis à la table de baccarat de son cercle, il n'avait pas été poussé par la main irrésistible de la passion. C'était même cette absence de passion pour le jeu, cette certitude que les cartes l'ennuyaient, acquise dans sa première jeunesse et confirmée pendant plus de 25 ans par une abstention absolue, qui lui avait inspiré une complète sécurité lorsqu'il avait discuté dans sa conscience la question de savoir s'il accepterait ou s'il refuserait les propositions de Frédéric. Qu'il se décida, et il était assuré à l'avance de n'avoir rien à craindre pour lui-même. On ne devient pas joueur parce qu'on vit au milieu des joueurs et qu'on voit jouer. Le jeu n'est pas une maladie contagieuse qui se gagne par les yeux, alors surtout qu'on plaint ou qu'on méprise ceux qui ont le malheur d'en être infectés. Comme ces fiévreux et ces agités lui paraissaient ridicules ou pitoyables. Sur leur visage convulsé, rouge ou pâle, selon le tempérament, dans leurs mouvements saccadés, dans leur regard ivre de joie ou navré de douleur, dans leur exaltation ou leur anéantissement, ils s'amusaient à suivre les sensations par lesquelles ils passaient. Et avec la satisfaction égoïste de celui qui, du rivage, jouit de l'horreur d'une tempête, il se disait qu'heureusement pour lui, il était à l'abri de ce danger. Qu'irait-il faire dans cette galère? Mais comme l'égoïsme, justement, ne faisait pas du tout le fond de sa nature, comme il était au contraire bonhomme et compatissait d'un cœur sensible à la douleur et au malheur, plus d'une fois, il avait cru devoir adresser des avertissements à quelques-uns de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, l'intéressaient plus particulièrement. Et dans les premiers temps, amicalement, cordialement, en leur prenant le bras et en le passant sous le sien comme on fait avec un camarade, il leur avait dit ce qu'il croyait propre à leur ouvrir les yeux, les grondant, les chapitrant. Quelquefois même, dans des cas graves, il les avait fait comparaître dans son cabinet de président, et là, entre quatre yeux. Il les avait sérieusement avertis. « Vous jouez trop gros jeu, mon jeune ami, et permettez-moi de vous le dire, un jeu qui n'est pas en rapport avec vos ressources. » Mais il ne lui avait pas fallu longtemps pour reconnaître que ses discours les plus affectueux étaient aussi peu efficaces que les semences les plus vertes. Tendres ou dures, ses paroles ne produisaient aucun effet. Alors il avait renoncé au discours, avec regret, il est vrai. Mais enfin, il y avait renoncé, n'étant point homme à persister dans une tâche dont il reconnaissait lui-même l'inutilité. « Ils sont trop bêtes, » s'était-il dit. Mais pour ne plus faire le mentor, il ne renoncerait pas à faire le président. C'était lui qui avait la charge de l'honneur de son cercle, et l'honneur du grandi était que le jeu y fût contenu dans des limites raisonnables. Il veillerait à cela. Il protégerait les joueurs malgré eux et contre eux. Son cercle ne deviendrait pas un tripot. Alors, on l'avait vu rester tard au cercle et quelquefois même y passer la plus grande partie de la nuit. Continuellement, il circulait dans les salons, rôdant autour des tables, regardant le jeu comme s'il avait une mission de le surveiller. Parfois, on l'apercevait endormi dans un fauteuil, surpris par la fatigue. Mais aussitôt qu'il s'éveillait, il reprenait ses promenades en cherchant à savoir ce qui s'était passé pendant qu'il sommeillait. Plus d'une fois, il était arrivé que, pendant qu'il se tenait debout, les mains dans ses poches à côté de la table de baccarat, un joueur lui avait dit « Et vous, mon président, n'en taillez-vous donc pas une ?» Et alors il avait répondu en haussant les épaules « Le baccarat. Mais c'est à peine si je sais les règles de ce jeu, si simple cependant. C'est si facile, plus facile qu'amusant. Il y a des présidents dont c'est la force de ne pas toucher une carte, et je suis de ceux-là. » Jusqu'alors, Frédéric avait assisté aux tentatives que son président faisait pour détourner du jeu quelques jeunes joueurs, n'était jamais intervenu entre eux et lui, bien que cette campagne ne fût pas du tout pour lui plaire, puisqu'il ne tendait à rien moins qu'à diminuer les produits de la cagnotte. Il importait de le ménager, et d'ailleurs les probabilités n'étaient pas pour qu'il réussît dans ses tentatives. Qui ait jamais empêché un joueur de jouer? C'était ce qu'il avait pu répondre à Raphaël furieuse contre Adeline. « Laissons-le faire, laissons-le dire. Cela n'est pas bien dangereux, et d'autre part, cela peut nous être utile. » Il est bon qu'on sache dans Paris que le président du Grandi éloigne les joueurs au lieu de les attirer. Ça vous pose bien. Et s'il les détourne? Je te promets qu'il n'en détournera pas un seul. Tandis qu'il détournera peut-être quelqu'un que nous avons intérêt à éloigner de chez nous. Le préfet de police? C'est toi qui l'as nommé. Comment veux-tu qu'on prenne jamais un arrêté de fermeture contre un cercle où le jeu est combattu par son président? Ce n'est pas en discourant contre le jeu qu'il arrivera à jouer lui-même, et tu sais bien que nous ne le tiendrons que lorsqu'il sera endetté à la caisse. Jusque-là, j'ai peur qu'il ne nous manque dans la main. Qui mettrions-nous à sa place? Sois tranquille, il jouera, il s'endettera, peut-être plus que tu ne le voudras. Pousse-le. Le jour où Adeline s'était félicitée de ne pas toucher aux cartes, Frédéric, cédant comme toujours à l'impulsion de Raphaël, avait relevé ce mot. Croyez-vous, mon cher président, dit-il de son ton le plus doux et avec ses manières les plus insinuantes, que l'homme qui a le plus d'influence sur un joueur soit celui qui ne joue pas lui-même. Savez-vous ce que j'ai entendu dire à un de ceux que vous avez dernièrement catéchisé? Je vous demande la permission de ne pas le nommer. C'est que vous n'entendez rien au jeu. C'est parfaitement vrai. Très bien. Mais vous comprenez que cela enlève beaucoup d'autorité à vos paroles. On ne voit dans votre intervention qu'une opposition systématique. Ce n'est point pour celui qui joue que vous prenez parti, c'est contre le jeu lui-même. C'est de la théorie, ce n'est pas de la sympathie. J'ai joué autrefois. Alors il est bien étonnant que vous ne vous soyez pas remis au jeu. Qui a joué jouera. Jamais de la vie. Ce qui est aussi vrai que qui a bu boira. Enfin, je n'insiste pas. Je dis seulement que vos paroles auraient plus d'influence si on voyait en vous un ami au lieu de voir un adversaire. En effet, il n'insista pas, laissant au temps et à la réflexion le soin d'achever ce qu'il avait commencé. Il connaissait son Adeline et savait avec quelle sûreté germait le grain qu'on semait en lui. Avec l'expérience qu'il avait du monde et des choses du jeu, il savait combien sont rares les guérisons radicales chez les joueurs et combien, au contraire, sont fréquentes les rechutes. Que d'anciens joueurs qui étaient restés 10 ans, 20 ans sans jouer, retournaient au jeu dans leur âge mûr, alors que toute passion semblait morte en eux, et que celle-là se réveillait d'autant plus forte qu'elle était seule désormais.